9, 7 observations, le temps qui passe. Il y a. Mireille montre des photos. Ça, c'est les vacances en Bretagne, il y a 2 ans. Ça, c'est moi, il y a 4 ans. Et ça, c'est moi, bébé, il y a 18 ans. Il y a 2 ans, il y a 1 heure, il y a 5 minutes. Il y a, plus une indication de temps, se réfère au passé.